Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Tchad, Kenya, Éthiopie ou Afrique du Sud, pas une année ne livre quelques fossiles d'hominidés, fémurs, dents ou mandibules. Depuis un siècle, une véritable course au chaînon manquant est engagée et pourtant, loin des terrains exotiques, les plus grands gisements fossilifères ne seraient-ils pas désormais chez nous, dans les tiroirs et étagères des réserves de nos musées d'Occident ? Oubliés, méprisés, voire reniés, quantité de fossiles anciennement exhumés attendent aujourd'hui d'être réétudiés. Cet après-midi, un de ces vieux squelettes sera notre fil conducteur, l'homme d'Assolar, dont voici quelques semaines, nous ne savions rien. Pour nous guider dans cette découverte, Amélie Vialet, Louisa Aoudia, bonjour. Bonjour, bonjour. Paléo-anthropologue à l'Institut de paléontologie humaine et à l'UMR 7041 du CNRS, vous venez de copublier un article dans une de nos revues, une de nos rares revues françaises d'audience internationale, l'anthropologie. Dans quel tiroir, dans quel institut ce fossile était jusqu'à présent conservé, Amélie Vialet ? Alors, dans la salle d'anthropologie de l'Institut de paléontologie humaine, qui est un petit bâtiment, un petit trésor au cœur du 13e arrondissement, qui a été créé en 1910 par le prince Albert Ier de Monaco. C'est une œuvre assez originale. C'est le premier centre de recherche entièrement dédié à l'étude de la préhistoire, à l'étude de l'homme fossile, et qui a envoyé très tôt, donc dès 1910, ses chercheurs sur le terrain, qui sont revenus avec des produits de fouilles du monde entier, dont cet homme d'Asselar qui vient lui-même du Mali. Donc l'homme d'Asselar n'était pas dans un tiroir, comme je le disais tout à l'heure ? Alors il était en bonne place, en effet, plutôt sous vitrine, donc à la vue de tous les scientifiques qui peuvent passer par la maison, dans la salle d'anthropologie, puisqu'il y a trois salles de collection préhistoriques dans le bâtiment, une dédiée à la paléontologie, aux grands animaux, aux grands mammifères, l'autre dédiée à tous les artefacts produits par l'homme préhistorique, donc les objets. Les objets, voilà, la préhistoire en général, et puis une salle qui impressionne souvent les visiteurs, on parle souvent un petit peu de Harry Potter quand on rentre dans la salle qui est toute en boiserie, en ferronnerie et qui montre des galeries de crânes et de restes humains. Et la salle de cours est absolument aussi extraordinaire. Personne ne connaît l'Institut de paléontologie humaine, coincé entre le muséum et la gare d'Austerlitz. Je conseille bien sûr donc à nos auditeurs de passer un jour rue Panhard afin de voir au numéro 3 un monument dont la façade est toute dédiée à la préhistoire, aux hommes préhistoriques même. Oui, alors pas uniquement aux hommes préhistoriques, c'est ça qui est étonnant. En fait, c'est qu'on présente... Oui, il y a du singe aussi. Alors, il y a du singe et puis on présente aussi, vous savez, les populations un peu traditionnelles, celles qui vivent encore en équilibre avec la nature, dans des scènes de vie très quotidiennes. Donc, c'est ce qui frappe pas mal, c'est que finalement, pour trouver l'homme préhistorique qui est l'objet même de cette fondation, de ce bâtiment, de cet institut, on le trouve qu'à la porte d'entrée. Et puis aussi, on a un néandertalien qui est caché dans sa grotte et lui, il faut se tordre le cou pour regarder au-dessus du boulevard Saint-Marcel, enfin au-dessus de la porte de secours pour le trouver niché là. À l'intérieur de l'édifice, bien des fossiles sommeillent encore. Vous pensez que vous êtes sur un gisement, comme je le disais ? Alors c'est le problème, c'est que quand on se retourne, quand on ouvre un tiroir, on sait qu'on en a pour 10 années d'études au minimum. Donc on se limite, on se bride dans nos questions. Mais c'est vrai que pour Asselar, on est passé devant une petite bonne centaine de fois, quelque chose comme ça, jusqu'à ce que la question vienne à nous de pourquoi finalement on ne le valorise pas autant, pourquoi il n'est pas plus présent dans les recherches aujourd'hui. Alors Louisa Aoudia, on a, moi je sais que par exemple vous avez quelques vestiges de la nécropole de Teviec ou d'Edic, trouvé en Bretagne dans les années 30 par Marthe et Saint-Just-Pécard. Vous avez aussi bien d'autres gisements, peut-être même plus exotiques, hein, avec des vrais fossiles conservés donc à quelques pas de la gare d'Austerlitz. Oui, tout à fait. Donc, dans cette maison prestigieuse, dans les tiroirs, sont conservées les deux célèbres collections d'Afalou Bourmel et de Tafouralt. Qui sont des collections des hommes préhistoriques de la fin du paléolithique supérieur. et qui sont des collections étudiées par des chercheurs du monde entier. Et on peut imaginer ramener par quelques préhistoriens, voire quelques explorateurs. Qui a ramené tout ça ? Ben, ce sont de vrais préhistoriens qui ont fouillé dans les années 60, pour la fin des années 50, début des années 60 pour Tafourel, au Maroc, et le début des années 30 pour Afel Bourhomane en Algérie. Alors revenons à l'homme d'Asselaar, une découverte désormais très ancienne, mais issue d'une mission très prestigieuse. Alors voilà, c'est un capitaine d'artillerie qui s'appelle le capitaine Draper, qui fait appel à la Société de géographie de Paris parce qu'il souhaite un petit peu, vous savez, ces explorations des années 30, il souhaite parcourir le blanc de la carte, comme on dit, c'est-à-dire toutes ces terra incognita qui excitaient pas mal l'esprit. Et de fait, il se rapproche de la Société de géographie et on lui propose donc de travailler avec le capitaine Ogiras, qui monte son équipe, son expédition. Donc à la fois, c'est une expédition un petit peu technologique. Il faut réussir toute la logistique pour mener à bien tous ces 2500 kilomètres au travers du Sahara entre Alger, enfin Dakar et Alger. Hein. Et puis à la fois, en effet, ils emmènent des scientifiques pour tout l'aspect des découvertes, avoir un petit concept naturaliste dans cette expédition. Alors, qui sont les spécialistes de la préhistoire qui peuvent nous intéresser dans cette expédition ? Alors, pas tout à fait de la préhistoire, mais disons les grands humanistes ou qui vont le devenir. Évidemment, on pense tout de suite à Théodore Monod, qui est tout jeune à l'époque. Il a 25 ans. On peut penser que c'est une aventure qui l'a passionné et certainement qui l'a orienté dans sa vie. Et donc, c'est lui qui est à l'origine de la découverte du squelette d'Asselaar. C'était lui qui était en charge donc de tout ce qui aurait pu être archéologique, entre guillemets ? Alors, pas tout à fait. On l'a compris après, justement. Et c'est un petit peu pour ça qu'il y a une confusion. On s'est rendu compte que les relevés de terrain de la découverte même de ce squelette étaient un peu en discordance avec les remontages qu'on a pu faire par la suite, qu'ont pu faire les chercheurs des années 30 par la suite, et les photos qu'ils ont prises. Et on s'est dit, tiens, il y a un petit souci, finalement. On manque d'informations, on manque de précision à ce niveau-là. Comment ça se fait ? On a compris que la distribution des rôles n'était pas tout à fait celle qui a eu lieu sur place, et que finalement c'était Draper qui était plutôt lui destiné à l'anthropologie. C'est pas lui qui a fait la découverte, c'est plutôt Monod qui était sur place ce jour-là, ce 20 décembre 1927. Et de fait, Monod, il a peut-être pas accordé toute l'attention nécessaire à cette découverte. Il le dit lui-même, il l'avoue lui-même, parce qu'il se sentait pas vraiment en charge. Ils ont laissé des notes, par exemple, un peu de ça. Vous les avez retrouvées, j'imagine, pour un article dans cette vieille maison qu'est l'Institut de paléontologie humaine. On a pas mal de documents d'archives, donc ça c'est très précieux. Donc on a trouvé les notes notamment de Bénard et Monod, ce sont des notes manuscrites qui nous ont permis avec Louisa justement de réfléchir aux conditions exactes de la découverte pour pouvoir réfléchir à l'existence ou non d'une sépulture dont aurait fait l'objet ce squelette d'Asselaar. On va en parler. Mais on a également le journal de marche qui est publié de cette mission, donc jour après jour. Donc évidemment là c'est savoureux parce que c'est quelques années d'aventures extraordinaires qui sont relatées. Et puis j'imagine donc que le squelette arrive, bien sûr, à Paris, dans une caisse en bois. Comment se présente-t-il ? Il se présente dans une gangue, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fouillé sur place, ce qui est une chance énorme pour nous, anthropologues modernes. Et donc il est arrivé dans sa propre gangue, dans le sédiment dans lequel il était enfermé. Ça, c'était déjà un premier souci qu'aurait pu avoir Monod, de ne sachant pas trop bien fouiller des squelettes et éventuellement de prélever un peu comme ça l'individu pour qu'on puisse l'étudier en laboratoire. Savoir fouiller, si, il savait fouiller. Mais il n'aurait pas noté ce qu'on note aujourd'hui pour pouvoir interpréter présence de sépulture ou pas, présence d'inhumation ou pas. Et dans quel état de conservation est-il cet homme d'Asselaar ? Excellente. Un très bon état de conservation. Les os sont bien minéralisés, ils sont très lourds. C'est d'ailleurs un problème pour nous parce qu'on ne peut pas le dater. Et même en termes de qualité osseuse, la qualité osseuse est très bonne. Que sait-on sur le cadre de la découverte, le milieu ? Alors, donc, le fossile a été entièrement décrit par Boulle et Valois dans les années 30, 1932. Donc on deux grands anthropologues. Deux grands anthropologues. Donc, on a des données très, très précises, qu'ils ont fait une étude très exhaustive. Et de fait, ils racontent le contexte, justement, de la découverte. Alors, selon les propos même des participants à la mission, bien sûr, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas sur le terrain. Mais c'est vrai que tout de suite, ce qui les étonne, c'est qu'en fait, le squelette est lié à des restes de poissons. à des plaques dermiques de crocodiles, à des grands ruminants, à des gazelles. Donc ils se rendent bien compte, alors qu'on est à 400 km au nord de Tombouctou, qu'aujourd'hui c'est en plein Sahara, que c'est dans le Mali complètement désertique, ils se rendent bien compte que là on avait une biodiversité qu'on n'a plus aujourd'hui et que donc, autrement dit, on avait certainement un climat qui était différent. Donc ils, tout de suite, ils vont penser qu'on peut attribuer ce fossile à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Holocène, hein, c'est-à-dire le début du réchauffement climatique qui commence il y a 10 000 ans. Voilà. Et qu'ils appellent, eux, à l'époque, Pléistocène. Mais enfin, l'idée, c'est quand même qu'ils se rendent bien compte que c'est dans un environnement complètement différent de celui d'aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un véritable petit site d'habitat avec une, voire peut-être deux tombes. Si on le réinterprète, ce site, avec les données absolument modernes, on a des coquillages, on a un peu de faune, un peu de chasse, un peu de poisson, du crocodile. On est sûrement sur un habitat. Oh oui, tout à fait. Ce sont les amas coquillés, hein, les fameux. Donc en effet, ça doit être un amas coquillé démantelé. On a très peu d'éléments pour le prouver aujourd'hui. Et ce qu'on aimerait beaucoup, c'est retourner sur le terrain, mais c'est peut-être pas pour tout de suite quand même. On va être raisonnable. En revanche, il y a eu de belles découvertes faites par Nicole Petitmer et son équipe dans les années 80, par Olivier Dutour qui a étudié donc tous les restes humains qui ont été exhumés à cette occasion-là. Et il y a de belles séries, notamment Acide et la biode, qui documentent parfaitement le contexte dont vous parlez. À son arrivée en France, le fossile intègre donc les collections de l'Institut de paléontologie humaine, l'IPH, et il est étudié donc par deux prestigieux anthropologues des années 30, Marcelin Boule et peut-être son disciple Henri Valois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ce sont des autorités, bien sûr, à l'époque. Alors, il faut quand même, ça a été un peu notre travail de replacer dans l'histoire exacte de ces découvertes, l'histoire de la pensée dominante de l'époque, mais aussi l'histoire de tout un chacun, de la carrière de chacun. Alors, c'est vrai que Valois, à l'époque, n'est peut-être pas en position de force parce qu'il vise, par exemple, la chaire d'anthropologie du muséum qui va lui échapper puisque c'est finalement Paul Rivet qui va l'obtenir et qui va lui donner en plus une dimension beaucoup plus ethnologique, ethnographique que ce que n'aurait conçu Valois. Hein. Lui est peut-être en train de construire sa carrière à ce moment-là. Donc justement, cette étude d'un fossile important va être quand même un argument important dans sa carrière. Marcelin Boule est déjà beaucoup plus assis. Il est professeur de paléontologie au muséum et puis il est directeur de l'Institut de paléontologie humaine, le premier directeur de cette maison. Marcelin Boule est déjà quelqu'un donc complètement assis. Il est quasi d'ailleurs presque en fin de carrière. Il a déjà énormément publié. Il s'est déjà intéressé à maintes fossiles du paléolithique. Oui, on lui doit la description merveilleuse de détails et de précision de l'homme de la chapelle au sein, ce premier squelette d'homme de Néandertal qu'on trouve en 1908. Hein. Donc on lui doit beaucoup de travaux importants, bien sûr. Il va mourir dans les années 40. Donc en effet, il est plutôt au sommet de sa carrière. Et tous ces fossiles de Marcelin Boule, ils sont où aujourd'hui ? Toujours à l'IPH ? L'IPH et puis au muséum également, puisqu'il était plutôt dans le département de paléontologie du muséum. Donc on a également son matériel conservé là-bas. Alors ce qui est intéressant, c'est que Henri Valois, lui, est un anthropologue physique, on dirait aujourd'hui biologique, qui a, semble-t-il, des ambitions. Et il a déjà subi quelques échecs, notamment avec Paul Rivet, qui, je dirais, s'oppose un peu au niveau de l'idéologie vis-à-vis des deux. Non ? Oui, c'est ça. Il y en a un on qui est sur deux courants de recherche totalement différents. Ça, c'est très intéressant. Sur l'anthropologie physique et culturelle, sociale, pour Paul Rivet, puis anthropologie peut-être strictement biologique pour Valois, on le verra après, puisqu'il sera le directeur du musée de l'homme, et puis que c'est quand même un détenant un peu de ce qu'on a appelé l'anthropologie raciale, hein, c'est-à-dire réussir à fixer des grandes catégories pour les grands types de l'humanité, avoir donc une démarche typologique de l'humanité, avec à l'époque, on parle des noirs, des blancs, des jaunes, voire des nègres, des blancs, des jaunes, hein, et donc c'est tout à fait, c'est tout un contexte que ces années, jusqu'aux années 60-70 tout de même. Et puis il y a la Société d'anthropologie de Paris qui, elle, citons-la pour exemple, a eu aussi un rôle très important dans les études anthropologiques. Bien sûr, c'est une grande animatrice des débats, ça l'est toujours d'ailleurs. Sur le passé de Valois, je propose aux auditeurs d'écouter deux émissions du Salon Noir que nous avions fait avec Laurent Olivier, Intelligence avec l'ennemi et nos ancêtres les Germains. Toujours est-il que le squelette de l'homme d'Acelar est bien conservé, vous l'avez dit, il est dégagé en laboratoire, donc très finement, on essaie de dégager les os. Alors, on très essaye, minéralisés. Mais pas tant que ça finalement. C'est une chance, comme disait Louisa aussi tout à l'heure, parce que finalement, ça nous permet, nous, d'être sûrs de la position de certains ossements entre eux et donc du maintien de connexions anatomiques, ce qui nous intéresse pour discuter de la présence ou non de sépultures. Et donc, on arrête le dégagement pour ne pas fragiliser hein, les ossements qui sont fortement minéralisés, mais qui s'assèchent aussi beaucoup. Donc, il y a quand même un petit souci de conservation. Donc, le préparateur du muséum dégage les ossements, mais pas totalement. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Amélie Vialet que vous êtes anthropologue à l'Institut de Paléontologie. Venez de copublier donc un article paru dans la revue L'Anthropologie et que donc vous réexhumez aujourd'hui le passé d'un fossile malien, l'homme d'Asselard. Pour Marcelin Boule ou Valois, ce fossile est assurément ancien, attribué au Paléolithique, donc vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très important, puisque toute la théorie va partir de ça. Bien sûr, oui. Oui, grande ancienneté, on le disait, surtout par rapport à ses conditions, à ce milieu duquel il provient et qu'on pense donc être radicalement différent du Mali actuel désertique tel qu'on le connaît, alors que là, on a vraiment la preuve d'un milieu beaucoup plus humide et très différent. Donc, au minimum, le début du réchauffement, l'Holocène, autour de 10 000 ans. Et on a fait des datations sur cet individu. On est un peu bloqué parce que justement le fossile est très minéralisé, comme le disait Louisa, et de fait on peut pas vraiment faire de datation carbone 14 qui aurait été idéale. On essaye peut-être une datation sur la partie minérale au carbone 14, mais sans grand espoir. Et finalement, ce serait retourner sur le terrain, localiser très précisément le site d'Asselard, qui est un ancien poste militaire français, hein, pour lequel on a réellement les coordonnées GPS. Donc il n'y aurait aucun souci pour préciser vraiment le cadre stratigraphique. Alors j'ai lu qu'il y avait quand même eu une sorte de datation au carbone 14 par un personnage extrêmement important qui s'appelle Chéranta Diop et donc qui devait avoir un laboratoire à Dakar et qu'il avait tenté donc une datation. Vous êtes bien sûr au courant de cette chose-là. Oui, tout à fait, mais ça nous a donné pas mal de soucis parce qu'on a épluché tous les bulletins de l'IFAN, un institut français de l'Afrique noire qui avait été créé par Monod justement, dans lequel donc Chéranta Diop a développé la méthode du carbone 14, la datation pour les pays d'Afrique. Donc c'était en effet un institut très très dynamique, mais qui n'a peut-être pas publié assez rigoureusement tous les analyses qui ont été réalisées, puisqu'on n'a jamais retrouvé cette date que vous pouvez retrouver assez facilement dans la littérature de 6900 avant notre ère et dont on n'a pas la publication de la source. Donc on ne peut pas utiliser réellement cet élément. Alors aujourd'hui, est-ce que l'on peut dater précisément l'homme d'Asselard ? Je vous dis, on va avoir des soucis parce qu'il est trop minéralisé. Et mais vous avez quand même une fourchette à peu près. On pense quand même, le début de l'Holocène, c'est quelque chose d'assez probable, surtout par rapport aux travaux qui ont été faits par Nicole Petitmer, qui ont donc bien précisé le cadre stratigraphique. Et de fait, on est plutôt au début de l'Holocène, à la première partie, donc entre 10 000 et 7005. Hein. Voilà. Un moment où donc le climat est aussi assez humide et où on a des lacs, voire des rivières. Voilà, c'est le fleuve remonte, fait une plaine alluviale qui va permettre le développement d'une végétation et puis qui va attirer toute une faune aussi de gazelles dont on parlait tout à l'heure, de grands ruminants, donc tout à fait différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc contrairement à ce que pensaient Marcelin Boule et Valois, l'homme d'Asselard est bien probablement d'époque assez récente et non pas du paléolithique. Pour les deux anthropologues, l'homme d'Asselard serait mort accidentellement ? Ce ne serait absolument pas une sépulture ? Tout d'un coup... Ça, c'est une autre curiosité. Voilà, on avait lu donc leur travail, il est publié en 1932, il est très détaillé, comme on l'a déjà dit. En revanche, on était passé assez vite sur leur interprétation, la découverte, à savoir que pour eux, il est en effet, il a péri à l'endroit où on l'a découvert. Mais ça, c'est quelque chose d'assez récurrent qu'on retrouve dans la littérature pour les premières sépultures, justement à Laugerie Basse, pour les sépultures du paléolithique cette fois-ci, on pense que l'homme que l'on découvre a péri sous les blocs de la paroi qui se sont effondrés. C'est quelque chose d'assez récurrent qui, à notre avis, provient beaucoup plus de présupposés hein, de l'époque. C'est-à-dire que les chercheurs ont un petit peu de mal à accorder la faculté de la pratique de la sépulture, qui est quelque chose d'assez élaboré, qui s'inscrit dans un cadre culturel et symbolique important, à des populations assez anciennes, assez archaïques. Louisa Aoudia, à la lecture des notes, à l'analyse des vestiges, vous pensez aujourd'hui qu'il pourrait bien s'agir donc d'une sépulture et que l'homme d'Aslar aurait été inhumé par les siens ? Effectivement, ce qui étonne quand on prend part à cette théorie de la mort subite sur place et l'absence d'inhumation, c'est d'être en face d'un squelette quasi complet. C'est-à-dire que tous les os du squelette sont représentés, y compris les tout petits os des mains et des pieds, qui, dans le cas d'absence de sépulture, auraient dû être dispersés par les éléments, le vent, la pluie, le ruissellement, les carnivores, les charognards. Or, on est en face d'un squelette complet, en position anatomique naturelle. Et donc ça, c'est le premier argument, c'est ce qui étonne en premier. Le second argument, qui est aussi un argument fort, c'est la position de ce squelette. Il est dans une position d'inhumation tout à fait cohérente, qui a été observée sur plusieurs individus dans une nécropole qui n'est pas loin, la nécropole de Hassilbiod, du Mali, du désert malien. Et donc, quand on regarde un petit peu ce qu'on trouve comme position dans cette nécropole, et bien, il y en a plusieurs qui sont tout à fait comparables à celles de l'homme d'Aslar. Donc, il n'y a rien d'étonnant jusque-là. Un troisième argument, quand on fait une lecture taphonomique du cadavre, c'est la position des membres inférieurs. Donc, ils sont en flexion, les genoux sont en flexion, à demi-verticalisés, ils sont à demi-inclinés. Or, si l'individu avait subi une mort subite sur place qui l'aurait foudroyé, les genoux, il aurait été soumis à la loi de la gravité et les genoux auraient chuté par terre et tous les os auraient été retrouvés sur un même niveau. Or, ça n'est pas le cas. Donc, ces genoux, ils reposent bien sur quelque chose. Il y a bien quelque chose qui les retient dans cette position à demi-verticalisée. Et bien, cette chose, c'est probablement ce qu'on appelle une paroi de fosse. Donc, qui dit fosse, dit creusement et donc probablement sépulture. Un argument supplémentaire, c'est que l'analyse. Oui, vous en avez. Il y en a. Un argument supplémentaire, c'est que on sait par la lecture de la taphonomie que le cadavre s'est probablement décomposé en milieu colmaté, c'est-à-dire que après dépôt. Fermé. Voilà, tout à fait. Après dépôt, il a été très probablement enseveli très rapidement par la terre, par le moyen du sédiment. Et donc voilà, quatre arguments forts qui plaident pour la présence d'une sépulture, d'une véritable inhumation en sépulture. En tout cas, Amélie Viollet, dans leur publication, Marcelin Boulle et Valois ne croient pas du tout à l'ancienneté des pratiques funéraires. Et donc nous sommes ici devant des sortes de convictions personnelles. On est dans l'idéologie. Oui, alors on va nuancer un petit peu quand même. On n'est pas là pour faire leur procès. Simplement, c'est vrai qu'on remarque, par exemple, Marcelin Boulle va publier en 1921 le catalogue des hommes fossiles, enfin les hommes fossiles, hein, qui est un manuel qui est une référence à l'époque, qui va même être, qui va subir plusieurs rééditions. Donc c'est vraiment le manuel de référence. Et donc on note dans ce manuel justement que on a un petit peu l'inventaire de tout ce qui pourrait être une sépulture pour les temps anciens. Et puis finalement, elles ne sont avérées ces sépultures que pour le paléolithique supérieur, c'est-à-dire que pour cet homme de Cro-Magnon, cet homo sapiens, hein, tout ce qui est avant est quand même vraiment sujet à critique selon les convictions de Marcelin Boulle. Mais c'est un homme de terrain et donc il ne croit que ce qu'il voit ou presque, et c'est certainement pour ça qu'il a du mal à accorder la sépulture aux premiers néandertaliens qu'on trouve, parce que justement il pense qu'au niveau des conditions de découverte c'est un petit peu complexe. Et pour l'homme d'Aslar, c'est un petit peu pareil, hein, puisqu'il n'est pas lui-même sur le terrain, il s'en remet au découvreur. Reste l'attribution de l'individu. Pour Valois, le but est de montrer que l'anthropologie biologique peut permettre une attribution raciale à partir d'un individu fossile. Disons tout de suite que cette notion de race a depuis totalement volé en éclats. Ah oui, je vous rassure, nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Nous avons tous le même squelette. Alors, à quoi compare-t-il cet homme d'Aslar trouvé au Mali? Il le compare d'abord à un type de population. Oui, alors ça, c'est très étonnant. Enfin, pour nous aujourd'hui, parce qu'on a évolué d'un point de vue conceptuel, hein, il va le comparer tout de suite avec les populations d'Afrique du Sud, les populations que certains appellent, entre guillemets, les reliquats d'une humanité primitive. C'est bien dit. Voilà, on va fermer les guillemets. Donc, ce sont les Bushmen et les Hottentots, hein, d'Afrique du Sud, qui, avec lesquels, donc, ils trouvent que l'homme d'Aslar a énormément de points communs en termes de dimension osseuse, en termes de caractère morphologique, anatomique. Hein, donc tout ça est assez argumenté. On voit quand même, par exemple, il va prélever dans la littérature des chiffres de comparaison, hein, des mesures de comparaison. Il les prélève dans le 4 phages et Ami, qui est un grand catalogue de l'humanité, si on peut dire, hein, de la variété de l'homme qui paraît en 1882. On voit qu'il sélectionne certains types de mesures qui collent tout de même parfaitement avec l'homme d'Asla. Et puis on change de sujet pour mieux y revenir. En 1906, des squelettes sont découverts dans la grotte de Grimaldi, près de Menton. Le découvreur Vernot crée à cette occasion une nouvelle race coincée entre l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Marcelin Boule y voit tout autre chose, la présence de négroïdes en Italie. Exactement. Donc les deux sont d'accord. Boule et Vernot sont d'accord. Ce sont des négroïdes, c'est-à-dire des squelettes qui ont tout un tas de caractères plutôt négroïdes. Hein. Simplement, Vernot, lui, va prouver l'existence de cette race parce qu'il pense qu'il y a des résurgences de certains caractères dans les Piémontais actuels. Hein. Donc ça lui prouve que cette race a une importance, puisque aujourd'hui encore, ça prouverait, puisque aujourd'hui encore, il y aurait quelques individus avec ce type de caractère. Mais il s'arrête là. Alors que Boule va trouver une origine africaine à ces hommes de Grimaldi. Et il va encore plus loin, il se met à étudier, bien sûr, la Vénus Hottentote. Alors la Vénus Hottentote, elle est quasiment, si je puis dire, sur son bureau. C'est une femme hein, qui est Hottentote, donc qui provient d'Afrique du Sud, qui va subir tous les eaux humains. Sargi Bartman, rendue en 2002 par la France à l'Afrique du Sud. Tout à fait. Donc elle a subi pas mal de choses complexes, mais là encore, c'est toute une époque. Hein, et elle a fini par être autopsiée, disséquée par Cuvier. Et donc on a récupéré au muséum, en effet, beaucoup d'éléments de son squelette. Et Boule avait accès à ça. Et c'est vraiment dans l'air du temps. Donc il va faire un rapport entre cet homme d'Aslar, cette Vénus Hottentote, les Bushmen, les Hottentots d'Afrique du Sud, mais également, je viens de le dire, avec cette nouvelle race créée récemment par Vernot, la race de Grimaldi. Alors Boule crée, Valois crée une sorte de superbe paralogisme, si l'on peut dire. L'homme d'Aslar, donc découvert au Mali, est comparable aux Hottentots d'Afrique du Sud, et avec les hommes, bien sûr, du paléolithique de la grotte de Grimaldi, c'est-à-dire à Menton, à la frontière italienne. Alors, qu'est-ce que l'on doit conclure dans ces cas-là ? Ce qui est complexe, juste, c'est qu'on ramène tout ça sur un même temps. Alors que les Hottentots, les Bushmen, sont bien vivants au XXe siècle, toujours un peu au XXIe siècle. Donc on a quand même un problème de comparaison, hein, mais qui ne semble pas justement trop freiner Boule dans ses réflexions. Mais surtout, il rajoute aux comparaisons anthropologiques, il rajoute des éléments provenant de la culture matérielle des populations. C'est-à-dire qu'on a ces petites figurines qui sont appelées Vénus, du fait de la Vénus Hottentote d'ailleurs, ces petites figurines préhistoriques qui représentent ces femmes qui ont des rondeurs absolument incroyables, incroyable au niveau des seins, des hanches, des fesses, etc., qu'on appelle stéatopige, comme l'était la Vénus Hottentote présentée au muséum. Donc on a, si vous voulez, aussi un rapprochement sur ces représentations féminines qu'on retrouve au paléolithique et qu'on rapproche des populations vivantes hottentotes actuelles. Donc dans ce paralogisme, tout simplement, les paléolithiques d'Europe sont d'origine africaine, nègres ou négroïdes, exactement. Pour bien sûr réutiliser les termes de l'époque. C'est à peu près ça ? Exactement. Aujourd'hui, l'homme d'Aslar, on peut dire qu'il serait réhabilité en deux secondes ? En deux secondes, on a voulu, nous, lui enlever justement toute sa connotation historique et le faire rentrer de plein pied dans le XXIe siècle pour recommencer son étude. Et on a déjà fait un bon bout du chemin puisqu'on l'a passé au scanner récemment et qu'on espère, de l'utilisation de ces données scanner, pouvoir lui attribuer un sexe, savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et puis également confirmer ou infirmer, mais on a quand même l'impression d'être bien parti dans la voie de l'attestation d'une véritable sépulture pour cet homme, donc avec l'étude de ces caractères cachés que le scanner nous permet d'aller débusquer. Merci beaucoup. Et puis donc, je rappelle que vous venez de publier, c'est tout récent, L'homme d'Aslar dans la revue L'Anthropologie. Mardi prochain à 15h30, l'égyptologue Alain Zivi nous fera plonger dans les tombes et hypogées de Saqqara. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, attachée d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.